le vent! Vive le vendredi! Ben oui, c'est là que sort nos podcasts. Oui. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Excusez-moi, j'avais un peu de salive dans la bouche. Balado-diffusion, pas de problème! Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Martin Boily. Bonsoir Frédéric et joyeux Noël! Ah, toi aussi! Beaucoup de... cadeaux! Oui. Plaisir. Et de retour pour une deuxième semaine, Monsieur Simon Rousseau! Salut Frédéric. Salut Simon. Dis-moi, qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël cette année? Des nuits de sommeil. Et... Il peut pas te donner ça, lui. Il faut que tu puisses l'acheter au magasin. Ouais, mais s'il donne des bons cadeaux à mes enfants. Mais toi, Simon, qu'est-ce que t'as demandé? Qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'est-ce que je vais inventer? Non, mais pour j'ai pogné une belle contravention aujourd'hui, salée, pour avoir, semble-t-il, laissé traîner mon recyclage trop tôt au mois d'avril dernier. Oh! Alors, on parle d'un salé? $172. Shit. Alors, si le Père Noël me permettait de contester mon récit, je serais bien content. J'espère. Ben, on te souhaite, puis il nous écoute. Hein? Oui. Il nous écoute. On salue Père Noël. Voyons donc. Comment ils t'ont trouvé en fouillant dans tes poubelles? Mais c'est parce que je me rappelle pas d'avoir. C'est rare que je fais ça. Puis je l'avais sorti la bonne journée, juste que nos auditeurs le sachent. Là. Je suis pas complètement contrevenant. Ouais. Mais peut-être quelques heures avant. Là, écoute, je me rappelle vraiment plus de ce que ça, j'ai fait c'est au mois d'avril. Le maire Quimby, le maire Ford. Non, on fait, du plateau. Ferrandez. Ouais. On va pas partir là-dessus. Je suis un des seuls qui l'aime. Ouais, mais moi aussi, je l'aime, mais je suis pas sur le plateau. Et Mathieu Bouillon! Oui! Hey, moi, j'ai une devinette de Noël. Devinez qu'est-ce que j'imite. Oui. Damn it, a wonderful Christmas time. Oui. Oh, bravo! Je fais la pire intro de chanson de Noël, d'après moi. Simply having a wonderful Christmas. Oui, mais moi, je profite de l'occasion pour vous dire, messieurs, que c'est mon premier Noël avec vous. Hein? Et l'an passé, pareille date, j'étais, je faisais la technique pour c'est ma première incursion parmi vous. Oui. Okay. Et puis, moi, dans le temps où j'étais podophile et non pas panéliste, pas de problème, savais comment me donner l'esprit des fêtes. Souvent, on fait de la route pour aller dans nos familles, tout ça, et j'écoutais les pas de problème et... vos sujets de Noël me mettaient toujours dans l'ambiance des fêtes. Donc, soit on se donne la tâche de vous mettre dans l'ambiance des fêtes nous-mêmes aujourd'hui, ou sinon, réécouter les podcasts surtout. Du temps des fêtes. Oui. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, sur le podcast, je vais rajouter des grelots au montage pour le reste du podcast. Wow. Ting, ting, ting, ting. Ça va être féerique. Ah, OK. Mais est-ce qu'ils vont bien aller avec Paul? Sont-tu là, les grelots, en ce moment? Y a-tu des grelots? Je vais poser, là. Oh, wow. On va arrêter ça. Et cette semaine, on a un problème. Hey, d'ailleurs, je voulais juste vous dire qu'on est en directement différé des passages. Oui. Et puis, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, qui ont vraiment écouté tout le début où on parle de n'importe quoi, pas de problème, hein? C'est quatre experts en rien qui s'improvisent experts en tout. Le temps de régler vos problèmes, tous vos problèmes, et peut-être même, si on a le temps, celui d'aujourd'hui. Donc, Martin, tu nous proposes un problème de... Martin Hull. Qu'on a reçu sur Twitter. Martin Hull, son problème va comme suit. Mon problème, comment s'y prendre pour faire faire ses devoirs à un enfant de 13 ans, entre parenthèses, secondaire 1, sans que ce soit la Troisième Guerre mondiale à chaque jour? À noter que ce dernier est diagnostiqué d'un trouble de déficit d'attention et est suivi pour Need your help, guys. Point. Est-ce qu'il a dit nigger help? Il a dit nigger head. Oh, Mathieu! C'est pas de bon sens qu'il ait dit ça. Il a traité de tête de noir. Mais c'est pas de noir. Qu'est-ce qu'il a dit, le Martin? Le lit comme faux. Need le ton... your help, guys. Désolé. Ce qui veut dire, pour les francophones, j'ai besoin de votre aide, les garçons. En anglais. Les guis. Messieurs les guis. Oui. Toujours dans la thématique de Noël. Sous le gui. Ouais, bon. Super. Alors. Hey, 13 ans, là, s'il y a un âge ingrat, là, moi, je pense que 11, 12 et 13 ans. C'est l'âge où on est le plus laid. Ah, on est laid. 13, c'est pire. 12, 13, ouais. Regardez vos photos quand vous avez 13 ans, c'est sûr, vous êtes laid. Tu sais, 13, quand t'es un gars, en plus. Ah oui, c'est là que t'as eu ta tâche de duvet. Ah oui, tu sais, puis t'as eu ta première éjaculation. Tu sais, non, mais tu sais, tu te sens invincible. Moi, je sais, mon père était prof toute sa vie là, d'étudiant de secondaire 1 et 2. Puis tu sais, là, et que c'était un gros stage, là. Mon il éjaculait dessus. Ouais, <c'est... rire> non, tu sais, bien que c'était lui qui éjaculait sur Mathieu! Non, non, c'est un il éjaculait sur savoir. Moi, en fait, à 13 ans, je pense que j'avais les dents que j'ai aujourd'hui, mais pas le crâne qui va autour, c'est-à-dire... T'avais comme... des grosses dents? Mais oui, mais ça, j'avais une bonne bouche pour déjà qu'aujourd'hui, que Fred, quand même des bonnes chiclettes, là. Hey, solide! Mais oui, 13 ans, c'est un peu ingrat et on vit beaucoup de changements. Ouais, oui. Et tu sais, même déficit d'attention, je veux dire, en plus. Mais non seulement ça, c'est un peu l'âge où on a un déficit d'attention naturel. Et c'est ça, c'est un problème. On en a eu souvent dans le podcast des problèmes de déficit d'attention. Non, de motivation. Ah, hein, oui. De comment. Oui. On a eu des. Si vous allez faire vos recherches, mais il y a. Courir, faire la vaisselle. C'était les deux. Non, je ne sais pas s'il y en a peut-être d'autres. Oui. Mais non, et là, mais là, c'est motiver quelqu'un d'autre et son enfant. Oui, mais il faut les faire, ces devoirs. Y a-t-il des choses, vous, qui justement, ou des souvenirs de votre jeunesse, genre vers 13 ans, où vos parents vous motivaient à faire quelque chose ce qui est et ça fonctionnait? C'est que, moi, mettons, le passage du primaire au secondaire, pour moi, au primaire, on n'avait pas le choix de faire nos devoirs parce que, tu sais, on les vérifiait puis on se faisait mettre un mot dans notre agenda dès qu'on ne les faisait pas. Mais au secondaire, on n'avait comme pas de punition si on ne les faisait pas. C'est juste notre problème. C'est vrai. Un peu comme au cégep. C'est comme moins rigoureux. Des fois, tu as juste l'air con quand tu fais la correction de groupe et là, le prof te chicane un peu. Mais tu n'es pas forcé de le faire. Donc, tu découvres un peu cette petite liberté-là qui est « je pourrais ne pas les faire » puis mes parents ne le sauraient pas. Mais tu rushes aux examens. Ah oui, tu rushes aux examens. Là. Ouais, faut se responsabiliser rendu là. Ah non, moi, je fais partie de ceux qui ont passé son secondaire ses fesses en... C'est-tu vrai, Martin? Ah oui, moi, j'ai passé mon secondaire ses fesses en jurant que je voulais plus jamais faire plein de... Non, mais tu sais... Tu faisais pas tes devoirs. Je faisais pas mes devoirs. OK. Mais moi, tu faisais quoi? Je jouais à Ultima Online. Ah, mon Dieu. Leisure Suit Larry. Oui. Mais le regrettes-tu maintenant? Oui, vraiment. Mais c'est juste que c'est pas évident parce qu'il y a plein de matières qu'on aborde au secondaire qui nous intéressent pas à ce moment-là. La techno. Aujourd'hui, c'est fou, hein? Je suis beaucoup plus curieux de toutes ces... Aujourd'hui, j'en prendrais des cours de mathématiques. À l'époque, j'haïssais ça pour mourir. Maintenant, ça m'intéresse. À l'époque, je prenais des cours d'écologie, tout ça. Je m'en foutais. Mais vraiment. Quelques petites notions d'écologie quand même? Non. Pourrais-tu me nommer quelques nuages? Ben oui, Cumulonimbus. Oui. C'est pas à toi que les questions sont posées, Fred. On sait que toi, t'as fait ton devoir. Oui, je connais encore la formule de la photosynthèse. OK, c'est quoi? Gaz carbonique, air plus au sol, plus énergie solaire captée par la chlorophylle de la plante verte. Donne du sucre dans la feuille, plus oxygène dans l'air. Est-ce que je peux dire que c'est dégueulasse? Mais je m'en souviens ou je m'en souviens et pas? Oui, peut-être, mais je sais pas c'était quoi le programme dans votre temps, là, mais je veux dire, non, c'est terrible. Je suis content d'avoir un 5-6 ans de plus. Wesh! C'est drôle les affaires qui sont. Hey, non, mais quel bon truc mémotechnique pour se souvenir. Ben oui, de bon truc mémotechnique. Moi, à secondaire 1, j'écoutais du Metallica. Je peux-tu te dire que la comptine, elle aurait pris le bord en salle? Bon, je te chanterai pas mes tunes qui disent le type de roche dans les villes du Québec. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Non, mais moi, je... Murdochville, Murdochville, il y a du cuivre à Murdochville. C'est vrai, pas. C'est quoi? T'es allé à l'école où? Je suis allé au collège du Rocher Saint-Lambert. C'était pas une... Oui, collège privé. Damn. Ben, tu sais, après Passe-Partout, Marie-Angèle a cherché un job. Mais moi, je pense qu'une des pistes de solution possible, c'est... En fait, je me rappelle quand j'étais jeune, quand je savais que j'étais bon dans une matière, ça va, tu nous entends bien? Je disais pas ça. Ça, c'est une question que je posais à Martin. Oui, j'étais jeune... Puis j'étais bon dans une matière, ça me motivait comme jamais. OK. sais, ouais. De faire comme bing, bing, bing, je suis bon, je suis bon, puis tu sais, c'est comme l'œuf ou la poule, là, tu sais pas si t'es bon parce que tu penses que t'es bon ou... En tout cas, bref, puis la poule. Mais, peut-être demander à l'enfant de l'expliquer à quelqu'un qui comprend moins bien. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui, c'est la meilleure manière d'apprendre. Ça les valorise. Puis souvent, on est dans cette situation-là de, justement, en secondaire 1, les enfants apprennent des matières que nous, on a oubliées depuis longtemps. Puis on fait... c'est vrai. Explique-moi, là, là, tu sais. Puis je vais passer l'examen, moi. Fais-moi passer l'examen à moi. Puis je vais voir si, si je suis capable de te battre. Oui, oui. Je sais pas. Pas fou. Moi, j'ai voulu explorer la piste... J'ai été inspiré par le fait que le jeune avait un problème d'attention. Oui. Il est traité pour ça. Donc, mais la piste psychologique m'a intéressé et je me suis dit qu'on pourrait peut-être essayer sur lui du conditionnement. Je me suis donc basé sur les expériences de Pavlov, entre autres. On connaît Pavlov et son fameux chien. Hein, il a réussi à conditionner son chien à avoir des comportements différents. Alors, je pense qu'on pourrait appliquer la même chose avec son enfant. Il n'a pas juste travaillé avec des chiens, Pavlov. Il a également travaillé avec des rats. Et je me suis dit, s'il a été capable d'obtenir des résultats positifs chez un rat... On devrait être capable d'avoir des résultats positifs avec un enfant de 13 ans. Forcément. Les rats et les enfants de 13 ans sont pareils. Moi, je bêterais même sur l'enfant avant de bêter sur le rat. Donc, j'ai établi quelques petites données. Et ce que j'ai besoin, par exemple, de votre aide, c'est comment les transposer à un enfant. Comme une des bases de ça, c'est le renforcement positif. Alors, lui, il s'est rendu compte que quand le rat pesait sur un levier et ça lui donnait de la nourriture. Donc, oui. Le rat, nécessairement, pesait plus souvent sur le levier. Donc, je pense qu'on pourrait appliquer la même chose. Quand ton enfant fait ses devoirs, tu lui donnes à souper. Tu lui donnes de la bouffe, ouais. Et ben oui. Donc, techniquement... Mais le renforcement positif... Et est efficace chez n'importe qui, là, même chez les êtres humains. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est ça l'idée. Oui, oui, complètement. Non, mais c'est oui, dans le sens que on n'a pas besoin de... Oui, oui, oui, oui. Après ça, il y a le renforcement négatif. Ouh. Donc, quand le rat, par exemple, on lui donnait des chocs électriques, hein, et au moment où il appuyait sur le levier, on arrêtait les chocs. Alors, dans mon idée aussi d'intégrer tout le temps la hot sauce dans toutes les solutions, je pense qu'on pourrait lui mettre, par exemple, un butt plug trempé dans la hot sauce jusqu'à ce qu'il fasse ses devoirs. Oui, il va finir par les faire. Ouais. Il devrait finir par... Moi, je dis 12 secondes au max. Ouais. Donc, tu sais... Et là, après, il y a aussi le côté punition qui peut arriver. Ouais. Donc, quand versus la récompense qui est un butt plug plein de sauce. Des solutions qui te fuck une sexualité adulte, toi. Ouais. Oui. Écoutez. Moi, mes parents, quand ils voulaient que je fasse mes devoirs, ils se mettaient à deux pour me mettre un butt plug dans les fesses, trempé dans le hot sauce. Oui, puis là... C'est le genre de truc qu'il va dire plus tard quand il va avoir son podcast. Il y a la variante. Soit que tu y vas dans le renforcement, ça veut dire si tu fais tes devoirs, j'enlève la butt plug. Ou tu peux y aller du côté punition. Si tu fais pas tes devoirs, je mets la butt plug. Inversement, tu peux le faire avec le souper. Si tu fais tes devoirs, je te donne à souper. Et si tu fais pas tes devoirs, je te donne pas à souper. Oui. Est-ce qu'on a, on voit les nuances? Je suis complètement d'accord. Mais ce qui vient refourrer, c'est que je te donne un butt plug pour souper. Oh oui, là. Mais il pourrait, s'il mange des tacos... Il pourrait utiliser la hot sauce qui est sur le butt plug pour badigeonner son tacos. Non, mais il ne faut pas mélanger avec ça parce qu'on pourrait finir par avoir un conditionnement inverse. Fait qu'il pourrait avoir encore moins le goût de faire ses devoirs. Il faut vraiment l'utiliser dans le bon ordre. Ou avoir une horreur des tacos. Ou pire, inventer la chanson Murdochville, Murdochville. Il y a du cuivre à Murdochville. C'était bonne cette chanson-là. Murdochville! Ouais, non, mais il y a toujours ce passe. Tu sais, la solution peut être adaptée à l'enfant. Je veux dire, c'est quoi ses préférences? Tu sais, moi, je sais pas si cet enfant-là, c'est un tripeux de Lego. Peut-être, par exemple. Ouais. Ou de heavy metal, peu importe. Oui. Mais, justement, soit lui permettre après quelque chose ou t'sais, la récompense dans ce sens-là. Ouais. J'avais déjà vu ça sur Internet. C'était écrit genre un petit post-it sur le frigo. Si vous voulez le code du Wi-Fi, faites la vaisselle, passez à la balayeuse. Faites vos devoirs. C'est une excellent. Super bonne idée. Ça, oui. C'est ben, c'est ça, dans la maison. Ça peut être est-ce qu'on a parlé moins de ça? Dommageable. C'est pas le problème qu'on a parlé de ça? De quoi? Ça? Le code du Wi-Fi, ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais je trouve que c'est une super idée. Maintenant, là, de nos jours, les jeunes ont envie d'être sur Internet parce que n'ayant pas de véhicule, une grosse partie de leur social va se passer sur le net à la maison. Les jeux vidéo et tout. Et les obliger à faire leurs devoirs pour ensuite pouvoir profiter de... Mais ça implique que tu changes ton mot de passe à tous les jours. Ah, ça demande une petite gestion. Mais tu sais, entre ça et se battre avec le jeune, tu peux peut-être faire comme... Oh, oui, on va gosser un petit peu. Oui. Y. Et là, comment tu peux générer des mots de passe différents tous les jours sans tomber dans... Sans les oublier, en fait. Sans les oublier. Mais non, mais j'imagine qu'il doit exister des petits logiciels. Là, Fred va nous trouver ça, des générateurs de mots de passe qui s'en rappellent à ta place. Comme il y a des générateurs de noms d'elfes, si tu veux avoir une source inépuisable de noms d'elfes. Create safe and secure passwords. Non, il y en a plein, là. T'sais. Random password generator. De Bitmill. Générateur de mots de passe en ligne aléatoire et sécurisé. Oh. Ah non, c'est en français. Bon, OK. Oui. Tout ça est très bon. Oui. Moi, j'allais raconter. Oui. Quand j'étais jeune... devoir, une orgie? Non, franchement. Ça, le genre de solution qu'on y avait proposé la dernière fois, non? Un devoir, une orgie. Un prof de philo, une orgie? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, en fait, moi, il à mon là, école... On le salue! Banjo Bouchon dans Banjo la salle! Banjo non, moi, en fait, là, à mon école... mon école primaire, puis mon école... secondaire. Ouais, non, en fait, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était comme la même école en deux pavillons, là. Donc, nous, là, tous les étudiants avaient la toute dernière période du vendredi qui s'appelait une période de motivation. OK? Donc, c'était comme des activités vraiment tripantes, là, genre bricolage, impro, spectacle, tu sais. Et donc, mettons, quand tu ne méritais pas ta période de motivation, tu étais coupé de la période. Tu n'y avais pas droit, tu sais. Donc, moi, j'ai eu droit toute ma vie, sauf la fois où il y a eu de l'improvisation à mon école. Donc, on dirait que moi, ça a comme créé un état de manque. Tu sais, fait que, genre, il y a des affaires intéressantes qui viennent de ça, là, tu sais. Manquer des activités, là, que ça te donne envie de conséquences plus tard, tu sais. Fait que, qui sait, là, peut-être que l'école pourrait instaurer des genres de périodes de récompense, de motivation. Oui, oui. Ben, je sais, il y a ça dans Lanaudière Zone. Ouais. C'est ça, le programme-là, il donne des cadeaux. Si tu réussis des défis, tout ça, tu ramasses des billets, puis il y a des tirages à la fin, cool. Tout ça. Puis ça a l'air de quand même bien fonctionner. Puis tu sais, il y a aussi des compétitions entre classes. C'est là où je voulais aller. Je pense qu'à cet âge-là, la compétition, ça fonctionne bien. Oui, c'est vrai. C'est sûr que... Mais ça dépend dans quel domaine, tu sais, parce que rapidement, tu te fais déclasser, parce que t'es beaucoup dans une classe quand même. Ouais. Là. Ouais. Rapidement, là, la petite non, mais c'est tronche ça, c'est de mathématiques, tu te dis, hey, j'ai pas envie de me mesurer qui est face, qui est maths plate. C'est ça. Vrai. Quand tu sais que t'es perdant avant de commencer, c'est pas très motivant. Mais tu mesures ton enfant face à quelqun de sa force, ou un petit peu moins, ou... Pas un autre élève, mais toi, par exemple, comme j'en ai parlé tantôt, ou je sais pas, moi, on cherche, là, à chercher! Tu pairer deux étudiants de classes différentes. Mais toi-même, là. Moi-même, admettons, là, j'ai beaucoup de notions. Les mathématiques, secondaires. Moi, j'ai acheté au Club Price, il n'y a pas longtemps, le livre, tu t'en rappelles, Simon, oui, on avait fait absolument. Chez moi, le livre des mathématiques secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, tu sais, avec des exercices. Il m'a coûté 600 mm-hmm. Mais pour vrai, rapidement, j'étais shifté. Rapidement, isoler une variable, et, on ne savait plus comment. L'algèbre, je me rappelle. Je sais pas où j'en ai parlé, mais moi, aujourd'hui, là, je pense que une fois par année, je ferais un mois de révision, de tout. Moi, j'aimerais ça. Math, moi, c'est dans le champ. Je pense que ma Giro est rendu meilleur, mais ton maths, Giro aussi. Mon Giro, il est rendu. Ah oui, moi, le bon français est rendu meilleur. Il y a plein de trucs qui sont rendus meilleurs, mais les mathématiques, on n'en a plus jamais refait, c'est surtout ça. Moi, j'ai pogné mon top au cégep. J'ai fait des bons cours de maths. Mais de se dire, Frédéric, justement, pour suivre ton idée, de dire à ton enfant, c'est moi avec qui tu vas compétitionner. Oui, oui, oui. Moi, tu m'expliques ce que tu as pris. Oui, c'est ça. Et après ça, on se fait une petite compète, moi puis toi. Celui si qui fait tu le plus... me bats, t'as ça. Ouais. Si je te bats... Exact. Est-ce que tu recommandes le truc... Si je te bats, je te bats. Merci, Banjo. Si je te bats, est-ce que tu recommandes le truc du cousin si jamais tu clenches trop ton enfant? C'est quoi le truc du cousin? Le truc du cousin, c'est un classique. T'sais, quand tu jouais au PlayStation avec ton cousin puis tu le clenchais au hockey, un moment donné, après un certain temps... Tu te mettais à y laisser scorer des buts pour pas qu'il s'écœure puis qu'il continue à jouer avec toi. Avec toi, ouais. Oh, salut René. Ouais. Salut. Fait que, mais c'est pas non, j'ai d'autres cousins. On s'appelle Anthony. Dont un très agressif qui pétait mes manettes quand il perdait. Ah, fait que vite, j'ai appris que j'étais mieux de le laisser gagner. Je pense que j'ai rencontré lui aussi. Fait que, je pense que. C'est lui qui jouait avec nous la semaine passée. Non, c'est un autre. De toute façon, on m'a pas. Peu importe. C'est pas ça le point. On va le trouver. Point, si tu clenches ton enfant trop, est-ce qu'à un moment donné, ça vaut la peine de le laisser gagner par exprès? Oui, ben oui, forcément. Moi, je pense qu'il faut, même faire en sorte que ça soit chaud. Ouais. Parce qu'il y a l'autre école aussi, In Your Face, Tough Love. Ouais, je te clenche 250-0, puis un moment donné... Ouais, peut-être que la première fois, c'est une bonne solution, mais si c'est 5 fois 250-0, là, ça risque de, justement... Fait, une fois que c'est déjà perdu, tu penses que tu vas perdre d'avance, t'as plus de motivation. Faut que t'aies l'impression que t'as une chance de gagner. OK. OK. Il me semble. Mathieu? Oui. T'as trouvé un site plus fun? Non, j'avais une réflexion intéressante. Est-ce que ça vous touche, vous, mettons... Le rapport des parents versus genre la motivation d'un élève en difficulté. Tu sais, mettons, il y a une vidéo qui a circulé sur YouTube récemment que j'ai trouvé très, très bon. Là. C'est un kid là, qui avoue à son père qu'il a eu un super bon résultat en maths. Puis tu vois le père là, qui pleure là, sincèrement. Là. Puis moi, en fait, mon père a vécu ça avec ma sœur. Ma sœur était un peu moins forte à l'école, puis elle travaillait fort, mais elle avait de la misère en maths. Puis quand elle a bien fini, là, je me rappelle que mon papa avait pleuré, mettons, de joie. Là. Puis tu sais, ça, mettons, pour un kid, là, ça doit être quelque chose d'un peu motivant. Là. Tu fais pleurer. Même si tu t'engueules avec tes parents dans la vie, là, ben, tu t'es fait pleurer de joie parce qu'ils sont fiers et heureux pour toi. Là, pleurer ou un pet nerveux? Un des deux. Oui, des pets nerveux, j'en ai fait faire à mes parents souvent, mais pleurer... Non, mais moi, personnellement, mes parents se foutaient un peu de mes devoirs. Ils me suivaient pas. Et là, on arrive, tant qu'à moi, au point le plus important. Si tu veux vraiment aider ton enfant, je pense que moi, c'est le suivi. C'est la meilleure chose à faire, c'est de le talonner, de l'accompagner, mais vraiment de l'accompagner tout le long de ça. Je pense que ce que Martin le fait. Justement, il faut le motiver. Peut-être, mais c'est sûr que ça aide pas la motivation. Oui, il le fait parce qu'effectivement, il se bat avec. Ouais. Il voudrait juste que son... Mais c'est quand même... Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est l'aider à rendre ça plus agréable. Ouais. Mais le principal, il le fait, parce que c'est ça. S'il y a un suivi, naturellement, je pense, tu peux pas faire un plus grand cadeau, aider d'une plus grande façon juste accompagner. Ou peut-être le faire suivre par... une belle jeune collégienne. Du tutorat, là. Ouais, du tutorat. Sinon, le pouvoir... Ça marche dans Happy Gilmore. Ouais, ouais. Le pouvoir de la belle-fille. Ben, c'est ça, je viens de dire. Ouais. Demander aux chicks autour de soi... Ben, c'est ça, je viens de dire. De venir à la maison, ouais. Exactement ça, le pouvoir du personnage. Ouais. S'acheter une série de costumes. Oui. Et se dire, bon, ce soir, mon grand, tu vas faire tes devoirs avec Napoléon Ier. Oh. Ce soir, mon grand, tu vas faire tes devoirs avec Oncle Georges. C'est prend... qui ça, Oncle Georges? Ça te prend quand même un ado qui n'est pas trop ado. Qui a une certaine ironie en lui. Là. Oui, ben oui. Moi, à 13 ans, mais c'est ça, ça dépend. Toi, peut-être que tu étais différent, Simon, mais la plupart des jeunes de cet âge-là, entre amis, ils n'ont pas 13 ans, ils en ont 16, 17. Là, dans leur tête. Tout seul devant la TV, du moins, c'est ce qu'on. Ils en ont 8. Fait que c'est vraiment. Ça se peut, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, si ma mère s'était déguisée en pantreluche pour faire mes devoirs, je pense pas que ça m'aurait motivé. Il aurait fallu mes références à moi. Non, je pense qu'à cet âge-là, Power Ranger. Je l'aurais trouvé cool. En fait, je pense qu'à cet âge-là, face à tes parents, t'as envie d'être... T'as 20 ans dans ta tête, là. T'as envie d'être... Tu sais, « Hey, parle-moi égal, là. J'ai plus 8 ans. » C'est tellement dur. Ouais. Mais des pistes de réflexion, là, le soudoyer, hein, c'est de façon différente. Mais il y a toujours les... Moi, une de mes solutions préférées dans tous les podcasts, c'est le carnet de coupons. Hein? On sait que ça a marché pour quelques personnes. Mais c'est quoi les coupons que tu peux donner à un enfant de 13 ans? Bon, pour une... Mais non, mais bon, pour une pipe dans 5 ans. Non, mais ça, c'est le podcast des végétariens. Là, il y avait le coupon de pipe. Mais tu sais, à 13 ans, tu capotes. Ouais, mais un coupon de pipe, là, tu donnes ça. Qui te donne ça? Ton père? Ouais, mais c'est bon pour qui? C'est bon pour n'importe qui. On va te payer une pipe. Bon pour une pipe? Non, lui, il utilise ça qu'il veut, il donne le coupon qu'il veut. Là, on fait des blagues, mais là-dedans, tu prends ces... C'est tourtière, voyons. Mettons, soirée de tourtière quand tu... Non, mais tu prends ses intérêts. Mettons. Tu prends ses intérêts, fais 5 coupons de je sais pas trop quoi, là, tu sais, puis... Une game de hockey, game de Halo, en famille. Tu sais, quelque chose que toi, t'aimes pas faire, tu vas le faire avec. Un soir, t'as le droit de prendre une douche de 45 minutes. Je vais te faire un massage. Ouais, congé de brossage dedans. Je fais ta chambre. Ouais. C'est bon, j'aime ça. Congé de brossage dedans, mais faut que tu manges ce biscuit pour chien. Faut que tu manges ce biscuit pour chien. Pince sur le levier. Faut qu'il y ait un minimum d'hygiène. Je la trouvais drôle avant de la finir. Peut-être acheter des animaux de compagnie puis les jeter une fois le semestre terminé. Là. Séquestrer son animal à lui. Ah oui. Hein, faire souffrir le chien. Tu kidnappes et t'envoies des photos une fois de temps en temps si tu veux revoir ton chien. Des petites vidéos d'hamster avec les pattes liées. Oui, regarde. J'ai une photo de ton chien, il s'ennuie. Oui. En bas de 60, caramel perd un œil. Moi, je peux vous dire qu'à cet âge-là, si, peut-être pas mon père, parce que ça aurait été bizarre, mais mon frère aurait pu le faire, c'est « Hey, si tu finis tes devoirs, je te montre une photo de femme tout nue. » Je te jure, je pense que ça aurait marché à chaque jour. À 13 ans, à l'aube de l'Internet, là, il y a 13 ans, je sais, il a déjà vu là, des trucs bien plus gore qu'une photo de femme tout nue. Il y a peut-être l'équivalent de ça, là, mais je sais que moi... Ça serait quoi l'équivalent de ça? Ben, peut-être que son grand frère, il donne des liens plus fun. Je sais plus fun. J'ai checké tes liens, puis ça suck. Ça suck. Check ça. Elle en a deux. Non. Deux. Je sais pas. Deux vages? Je sais pas, non. Non, mais ouais, sinon la boîte à surpoids, il y a de quoi de... J'aime bien l'idée du renforcement positif, là, de la petite récompense, mais ça pourrait être une récompense, ou de le soudoyer, mais une petite récompense surprise. Là. Ouais, j'aime pas ça, avec une idée. Mettons une boîte dans laquelle tu dis, à tous les jours, je mets quelque chose dedans, et une fois que tu as fini tes devoirs, tu peux aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Attends, non, mieux que ça, c'est... T'as une chance sur deux de pouvoir réutiliser la boîte le lendemain si t'as la boîte ou le rideau. Là, tu fais « Je prends le rideau! » Là, c'est une mèche de cheveux. Non, mais tu sais, puis mettons, une journée dans la boîte, tu mets 200$. Mais une autre journée, tu mets un paparman. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est la boîte. Mal. Oui, paparman, il fait mal, mais en même temps, le gars, il y a tout un petit challenge de « qu'est-ce qu'il y a? » Tu sais, si tu réussis à avoir un bon ratio... d'une pizza pochette, c'est une bonne idée. Un jeu de PlayStation. Moi, là, j'étais facilement achetable. Je me rappelle que mon gros problème, c'était de tenir mon bureau propre. Mon bureau était tout le temps en bordel. Puis là, on voulait que je mette les cartables en dessous. Puis si je tenais mon bureau propre pendant toute une étape, 3 mois, j'avais en bout de ligne un paquet de cartes de E.T. Fait que... des cartes de baseball, des cartes de E.T., moi. J'avais des cartes de E.T. Ben, dans le temps qu'E.T. jouait pour les Padres. Non, mais il y avait des cartes de E.T. C'était écœurant, les cartes de E.T. Mais tu sais, je veux dire, si je me forçais pendant 3 mois pour un paquet de cartes à 99 cents de E.T., je peux pas croire qu'on donne un jeu de PlayStation pour une journée de devoir. Mais c'est comme ça, Simon, maintenant. À l'époque, là, on n'avait pas... Quand tu connais bien les intérêts de ton enfant... Tu peux peut-être trouver justement l'équivalent de « Hey, ça coûte 99 cents, mais il va être fou comme un balai. Je vais lui donner ça, tu sais. » Fou comme un balai. 99 cents pour 3 mois, c'est ça mon point. Je t'emmène chez Dollarama, puis t'as le droit de te lâcher lousse pour 10 piastres. Ouais. Mais à 13 ans, Simon, 99 cents, il va avoir trouver moyen de l'avoir non, autrement. C'est sûr qu'à 13 ans, j'aurais plus voulu un paquet de cigarettes. Ouais, ouais, ça se trouve, il va vendre du pot puis il va s'en vieux, payer des cartes d'IT. Si on parle des fois de Price is Right, hein, c'est quand même une nouvelle tendance, ça n'a pas de problème. Moi, ce qui me motiverait, c'est de voir le petit relien, là. Oui, oui. Faire... Tu sais, plus c'est j'avance drôle, mon... ce petit relier-là. Oui. Toi, t'es capable de le faire, là. C'est ça. Mais ouais. Bref, plus t'avances ton devoir, plus le petit bonhomme avance sur la montagne ouais. Avec la ouais, musique. Mais tu avec la musique, là, puis tu ouais. Le fais, là. T'es rendu où? Attends, faut le trouver, faut le trouver. Oui. Mais... motivation. Ça... Vous vous rappelez, c'est ça, dans un pas de problème où c'était pour faire de la course, moi, ma solution de motivation, c'était des électrodes dans les sous-vêtements qui stimulaient sexuellement la personne ouais. Lorsqu'elle arrivait à ses distances. Oui, on s'en rappelle. Bon, y a-tu moyen de stimuler des électrodes sexuellement? Peut-être que les électrodes, ça marche avec tout. Là. Mais est-ce que. Bon. Les électrodes sur le pénis. qui installe ces électrodes-là? C'est ton père? Ton père ou une infirmière qualifiée? Oui. Parce que je pense que c'est compliqué à mettre. Ou la grand-mère. Mais tu lui montres. Tu lui montres comment faire. En même temps, ça va le déconcentrer plus que d'autres choses. C'est pas pareil. C'est pas comme faire un effort physique. Je me rappelle qu'on avait cette solution-là pour faire du vélo. Là, à mesure que tu pédales, ça stimule les parties. Tu as envie de pédaler plus. Mais là, à mesure. Tu fais tes devoirs. Oui, il y a une question. Oui, tu peux terminer ta phrase. Oui. Mais à mesure que tu fais tes devoirs, tu te fais stimuler génitalement, Mané, c'est parce que t'es plus capable de te concentrer. Là, d'ailleurs, j'ai vu. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Opération sur. J'ai vu ça sur Facebook. Des filles qui lisent des livres très sérieux avec des vibrateurs. Oui, c'est excitant quand même. Hein? C'est vraiment très spécial. C'est étonnant. C'est vraiment particulier. Je pense que c'est une digression. Là, mais Il y a Banjo qui veut nous proposer quelque chose. Le jeu éducatif... tu dois faire ce casse-tête pour... Ils ont mis au point, j'avais vu un reportage là-dessus, là, des jeux vidéo qui sont éducatifs pour les jeunes, vraiment. Oui. Tu utilises des formules de chimie pour réussir à battre le dragon. Mais ça existe aussi en board game, et on s'entend que souvent ce sont les jeux les plus plates du monde. Oui. Non, mais c'est ça, il faut faire jeu. Sûr. En fait, moi, j'aimerais ça qu'ils fassent un jeu, tu sais, que je joue, j'ai du fun, je m'en rends pas compte, mais je suis en train d'apprendre comment faire mes taxes. Mais ça, c'est un autre problème. Cela dit, le jeu Becherel est pas si pire. Non, mais c'est vrai, c'est un bon jeu. C'est Becherel. C'est Becherel qui le fait. C'est un pas pire jeu de conjugaison, là, autant que faire se peut. Là. OK. Ouais. Bon. Hey, vas-y. Ouais. J'ai peut-être une dernière solution, moi. C'est comme un genre. Dernier tour. Pour quelque chose que tu fais, ça te donne le droit d'avoir 10 ans de plus. OK. T'sais, pour mettons, l'espace d'une heure, t'as 23 ans. J'aime ça. Fait que, genre, tu y achètes ce qu'il veut. Un six-pack. Un six-pack. Tu sais, comme, pendant une heure, t'as la vie d'un gars de 23 ans, mettons. Fait que pendant une heure, il en profite pour s'acheter un appart. Conduire ton char, avoir quatre colocs, ouais, c'est ça. Finir un bac plate à l'UQAM, voter. En une heure, tu sais, il fait plein d'affaires, plein de transactions, il achète ta maison, puis là, t'es baisé. Oui, c'est drôle. Voilà. Aller aux scores, tu sais. Tu fais pas ça à 13 ans, tu y vas à 23. Solution préférée? Oui, solution préférée. Ben écoute, cette fois-ci, j'en ai douté la première fois que Simon en a parlé, mais là, j'ai pas le choix d'y donner le crédit. Le butt plug plein de hot sauce, qu'il soit en renforcement positif ou en négatif, que ce soit je vais te le mettre ou je vais te l'enlever, moi je trouve que c'est sûr que ton enfant va faire ce que doit. Hein. Combiné avec le droit de souper ou non. Combiné, là tu marques, puis si t'ajoutes le paquet de cartes de E.T., et là mon gars... paquet de cartes de E.T. Ouais. Je t'enlève le pot de plug. Moi, je pense que c'est dans mes solutions préférées, le paquet de cartes d'IT. Parce que si t'en trouves un, ça doit valoir plus que 99 cents maintenant. Oui. Puis la gomme dedans doit être incroyable. Elle doit être sucrée. L'autre chose qui a marché, qui a remplacé les cartes de E.T., c'était les Garbage Pack Kids. Oh. Garbage Pail Kids. Les bouts de chou trash. Mais ils ont malheureusement été interdits à mon école. Oh. Ouais, les collants. On riait. Ah oui. Moi aussi, j'avais ça. Et moi, dans mes solutions préférées, il y a comme un amalgame de justement la compétition par rapport à son père, avec le renforcement positif de prix, et tout faire ça avec un personnage loufoque. Donc, oui, voilà. Le pouvoir des personnages. As-tu? Moi, ma solution préférée, ce sont vraiment les larmes d'un parent. Sont la plus belle des motivations qu'on peut avoir. Mais pourquoi t'as mis la toune de Two Girls, One Cup? Tu l'as reconnu! T'es bon. C'était ça. Moi, je pense tu que... Tu l'as reconnu! Ce que j'ai préféré, je pense, c'est séquestrer un animal de compagnie. Mais pour que ça soit plus efficace, pour pas que ton enfant t'en veuille, je me ferais passer pour quelqu'un d'autre. Là. Vraiment comme si un voleur kidnappeur. Est venu kidnapper le retour et envoie crochu. Un message. Oui, fait que là, t'es ton bar de ton gars. Hey, je suis maudit, on va le trouver, cette salle-là. Mais en même temps, tu y laisses des messages puis des vidéos de... Ouais. Des mises en scène, là. Ouais, c'est bon. C'est comme dans Arrested Development, là, quand il veut apprendre à ses enfants des affaires, puis il y a toujours le manchot qui fait semblant de perdre son bras, puis là, ses enfants freaks, puis fait joue pas avec joue les, pas, t'sais, ouais. Arrête de crier ouais, dans le char. Ça, on pourrait appeler ça un kid d'apprentissage. Oui, un kid d'apprentissage. Ben, si vous avez des solutions hein, et ou des problèmes, écrivez-nous sur Facebook, Twitter, podproblème@gmail.com. Nous, on prend une pause. On revient le 10 janvier. Donc, on vous souhaite de joyeuses fêtes si vous nous écoutez dans le temps des fêtes. Et aussi, on vous donne un petit devoir hein, de partager, pas de problème, avec un ami pendant le temps des fêtes. Offrir en cadeau, pas de problème. Graver toutes les pas de problème en version MP3 sur des CD et offrez-le à quelqu'un. Pas game et dites-nous après. Oui. Ce qui s'est passé. Puis si vous faites pas ce devoir-là, on kidnappe votre chien. Fait que, oui, puis on y met un butt plug de sauce. Oui. Est-ce qu'on finit avec des grelots, une chanson? Ah, il y a un, deux, trois, go, les grelots. Un grelot, là? Oui, oui. Ben, il joue pendant que je parle? Il va falloir il y a des grelots, trop, là. Okay. J'en ai plein des grelots, moi. Ah oui, on les voit. J'en ai deux. Mais merci, un grand merci pour le buffet de Noël que vous nous avez laissé ici. Un délice. C'est quoi, donc, Mathieu? C'était des boules de Noël qui étaient en fait fourrées de piment farci et urine. Ah, c'était ça le petit goût. Tout était bon là-dedans, sauf un ingrédient. Tout en subtilité, Mathieu. Des boules de Noël, ça se mange pas. Vous nous écoutez depuis longtemps, vous n'avez pas encore voté. C'est le temps d'y aller sur iTunes ou sur Balado Québec. On veut se rendre 5 étoiles ou rien. Ah, merci, Mathieu. Oui. Et si vous voulez un t-shirt ou nous faire un don, passez à l'instap.com. Donc, un petit don PayPal, ça serait gentil. Mais sinon, merci beaucoup les passages. Merci, monsieur Martin Boily pour l'enregistrement. Il n'y a pas de quoi. De retour le 10 janvier avec un nouveau problème. On prend, c'est quoi, c'est 3 semaines de break? Oui. Pas de problème. Pas de problème. Et le mot de la fin, Martin? Vous avez un problème. Joyeux Noël et nous avons un podcast.